la longue habitude de vivre ensemble et d'y vivre innocemment, loin d'affaiblir mes sentiments pour elle, les avait renforcés. Mais elle leur avait en même temps donné une autre tournure, qui les rendait plus affectueux, plus tendres peut-être, mais moins sensuels. À force de l'appeler « maman », à force d'user avec elle de la familiarité d'un fils, je m'étais accoutumé à me regarder comme tel. Je crois que voilà la véritable cause du peu d'empressement que j'eus de la posséder, quoiqu'elle me fût si chère. Je me souviens très bien que mes premiers sentiments, sans être plus vifs, étaient plus voluptueux. À Annecy, j'étais dans l'ivresse. À Chambéry, je n'y étais plus. Je l'aimais aussi passionnément qu'il fut possible, mais je l'aimais plus pour elle et moins pour moi. Ou du moins, je cherchais plus mon bonheur que mon plaisir auprès d'elle. Elle était pour moi plus qu'une sœur, plus qu'une mère, plus qu'une amie, plus même qu'une maîtresse, et c'était pour cela qu'elle n'était pas une maîtresse. Enfin, je l'aimais trop pour la convoiter. Voilà ce qu'il y a de clair dans mes idées. Ce jour, plutôt redouté qu'attendu, vint enfin. Je promis tout et je ne mentis pas. Mon cœur confirmait mes engagements sans en désirer le prix. Je l'obtins pourtant. Je me vis pour la première fois dans les bras d'une femme et d'une femme que j'adorais. Fus-je heureux? Non. Je goûtai le plaisir. Je ne sais quelle invincible tristesse en empoisonnait le charme. J'étais comme si j'avais commis un inceste. Deux ou trois fois, en la pressant avec transport dans mes bras, j'inondais son sein de mes larmes. Pour elle, elle n'était ni triste ni vive. Elle était caressante et tranquille. Comme elle était peu sensuelle et n'avait point recherché la volupté, elle n'en eut pas les délices et n'en a jamais eu les remords.